ça avait la place. Mais il a sera mieux. Bah évidemment. Ouais, c'est pas sûr. Bon bah. C'est bon d'être là ici avec les Françaises. Maintenant, une chanson d'album Wind and Wuthering. Elle s'appelle One for the Bone.